Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo? Eh bien, vous êtes très loin. C'est compliqué d'y aller à pied? Oui et non. Vous devez remonter la rue nationale jusqu'au pont. Vous traversez, vous prenez à droite et vous allez longer la rivière sur 200 ou 300 mètres. Vous allez voir une place avec une église. La rue Victor Hugo est juste derrière. Mais vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus. Vous savez comment y aller en bus? Oui, c'est la ligne 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée, au revoir.